il nous faut la révélation de la parole de Dieu. Amen. Nous allons prier afin que le Seigneur nous accorde la révélation de sa parole en tout temps. Amen. Afin que nous puissions résister au diable et résister à toutes ces tentations. Amen. Nous sommes en prière. Père, tu as dit que la révélation de ta parole est claire et apporte de l'intelligence aux individus. Seigneur, nous, dans nos moments, pour Dieu, des difficultés, parfois, Seigneur, nous attachons, ô Seigneur, à nos propres pensées et nous nous attachons le plus souvent, Père. Ô Dieu, à ce que nous inspire notre pensée. Seigneur, nous oublions le plus souvent qu'il faut nous faire confiance, qu'il faut nous appuyer sur ta parole, ô Seigneur. Lorsque nous faisons face aux tentations, lorsque nous faisons face, ô Seigneur, à cette forme de ruse de l'ennemi, Seigneur, en ce moment, quand nous sommes là devant toi, nous prions, Père, afin que tu puisses nous apporter la révélation de ta parole, en tout temps et en toutes circonstances, afin que nous puissions, ô Dieu, résister au malin, afin que nous puissions résister avec une voix ferme. Seigneur, nous prions pour Dieu, afin que toi-même tu puisses enlever, ôter de nos cœurs tout ce qui nous empêche, ô Dieu, de marcher dans la maison de ta parole, Seigneur. Père, nous te supplions de nous, pour nous pécher, Seigneur, nous prions pour Dieu, afin que tu nous donnes de pouvoir sentir, de pouvoir sentir la révélation de ta parole, ô Dieu, afin que tu nous donnes de pouvoir comprendre, Père, afin de marcher, ô Dieu, d'une manière qui nous soit Seigneur, te supplions, ô Dieu. Nous ne pouvons pas avoir des regards dans les mouvements de toi. Ô Seigneur, si nous marchons selon la vanité de nos pensées, Seigneur, nous ne pouvons pas avoir des regards dans les mouvements de toi, dans les tentations, les difficultés. Si nous marchons selon, ô Seigneur, la vanité que nous produisons nos pensées, Père, nous faisons appel à toi, ô Dieu de grâce, afin que Père, tu puisses, ô Seigneur, ôter tout obstacle, Seigneur, dans nos cœurs, dans notre vie, qui nous empêche de saisir de la révélation de ta parole, qui nous empêche, ô Dieu, de marcher dans cette révélation, afin que nous puissions, Père, être en Jésus, ô Dieu, de marcher avec toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, au pouvoir de nos yeux, te donne-nous et saisis le sens, ô Dieu, de ta révélation. Donne-nous de comprendre le sens de ta révélation, ô Dieu. Veille-nous de nous supplier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Père, sujet de prière. Amen. Amen. J'aimerais que nous prions pour le bon déroulement de l'esprit que Père achète. Que le Seigneur veille pour les frères et pour ceux qui vont se rendre. Amen. Les examens hier, amen. Que nous puissions être Jésus-Christ. Nous sommes là. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu réponds à revoir, mon Dieu. Toi, le Dieu fidèle, le juste, bon et tout le monde. Ô Seigneur, nous te rendons à toi, que tout cela, Père, pour se placer, mon Dieu. Et donc, que tout se déroule, ô Seigneur, selon que tu as prévu d'avance de faire. Seigneur, merci de toi nous prendre l'avance sur le beau Dieu. Merci de nous vivre en tout faire. Ce programme, ô Seigneur, afin que tout soit. construire selon ta volonté, Père, au nom de Jésus de Nazareth. Père, que l'homme nous adorons, parce que tu es Dieu et que tu nous écoutes, au Seigneur, lorsque nous te demandons, Père, aide-nous Jésus. Seigneur, tu rendons toute la gloire. Merci, et nous Jésus, Père, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. C'est déjà le Seigneur que lui-même donne la preuve de pouvoir de nous contacter. Amen. Donc, nous faire à nous lamenter seulement, car nous devons seulement nous lamenter de nos péchés, car ils sont grands devant lui. Nous devons le prier, pour que Dieu nous donne la force. Amen. Nous pouvons veiller sur nous-mêmes, et lui veiller toujours à mettre en pratique nos services de ce cœur. Père, au nom de Jésus, ô Dieu, Père, tu as dit, Seigneur, que ta parole nous donne les faits, ô Seigneur, de nous prions, ne voit pas de pouvoir. Seigneur, nous prions, ô Dieu, et nous te supplions, Père, pour nous te conduisons, ô Dieu, afin que, Père, tu puisses ôter cette paix de pierre, ô Dieu, afin de nous donner le paix de chair, qui puisse obéir, qui puisse observer, qui puisse mettre en pratique, ô Seigneur, ta parole. Père, nous ne voulons pas être des succès, Dieu, ô Dieu. Mais nous ne voulons pas être ceux-là qui écoutent et qui s'en vont et qu'on vit aussi tôt. Ô Seigneur, ceux qui sont éduqués. Père, nous voulons être, ô Dieu, cette bonne guerre sur laquelle la semence est tombée et qui a produit du fruit en abondance. Seigneur, nous te supplions, ô Dieu. Père, doter de nos discours qui font de toute situation et tout ce qui nous empêche, ô Dieu, de marcher dans la constance de la volonté, tout ce qui nous empêche, ô Dieu, et tout ce qui a tendance à nous éloigner de la volonté, Père. Pour cela, Seigneur, nous te supplions, ô Dieu, c'est un supplément. Ô Dieu, accorde-nous la capacité, la capacité, Père, la capacité, ô Dieu, d'accepter la volonté, Seigneur. Mais la capacité, ô Dieu, d'accepter d'aimer ta volonté, parce que la volonté, Père, nous te supplions, ô Dieu. Seigneur, enlève dans nos cœurs, ô Seigneur, nous formes, Père, nous formes, ô Dieu. Seigneur, que ce soit plus long, ô Dieu, Seigneur, accorde-nous, ô Dieu, accorde-nous, ô Seigneur, d'avoir des cœurs qui obéissent, des cœurs soumis à ta volonté, des cœurs soumis à ta volonté, des cœurs qui obéissent, ô Dieu, à ta volonté, ça veut dire, des cœurs qui obéissent, ô Dieu, à ta volonté, Seigneur, que ce Le Seigneur, nous sommes toujours disposés à nous glorifier dans cette souffrance-là. Afin que la patience en nous puisse, la patience en nous puisse demeurer étroite et porter des fruits comme celle de Job. Mais nous devons l'avoir expliqué. Que lui-même nous donne cette force de pouvoir avoir sa pensée et de comprendre ses desseins pour mieux agir au moment opportun en respectant ses commandements. Merci. Père, au nom de Jésus de Nazareth, que nous je dis, que tu sois l'homme de nous avons dit,

se tenait auprès de lui à sa droite et à sa gauche. Vous avez vu le conseil des cieux, n'est-ce pas, frère? Et l'Éternel dit, qui séduira à cap pour qu'il monte à Ramoth en Galate et qui périsse. Donc, le moment de l'accomplissement de ce que le prophète avait dit est arrivé. Il faut que quelque chose se passe pour que ça se réalise. Les décisions qui se passent sur la terre sont décidées en haut dans les cieux. Rien de ce qui n'est pas ici. La Bible déclare dans la Lamentation, arrive-t-il quelque chose de mauvais dans une vie sans que l'Éternel ne l'ait ordonné? Qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel ne l'ait ordonné? Il ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, pas n'importe qui. Aujourd'hui, vous voyez, quelqu'un dit que I am the pastor of the Redeemed Christian Church. I am the pastor. À la fin de l'année, il prend la Bible et tient là-bas. Avant de give the prophets of this life. C'est faux. Même si tu dis n'importe quoi, c'est faux. La parole vient au prophète, pas au pasteur. Il dit, le pasteur, on va s'y adresser. This is the word of God of this year. Vous m'amusez seulement. Chaque année, Dieu donne le. Pour les conventions, dit que Dieu va passer le thème de votre convention. Dieu s'amuse aussi pour votre convention sur la terre. Voici pour notre anniversaire. Dieu dit que lève-toi et brille. Il a d'ailleurs dit ça à Isaïe, c'est pas le père dont il parlait. Comment vous suivez, frère? Pour le mensonge qui parle au nom de l'Éternel. Que voici le thème de l'année. Voici l'année des fruits du fond. Le même Dieu parle dans un même pays comme le Nigeria. C'est donc que tu es dans Pasteur Christ, que l'année de la gloire. L'autre dit que c'est l'année des rachetés. L'autre dit c'est l'année de non. Il y a plusieurs années dans la même année pour des personnes différentes. Et je ne vois pas vrai, frère. Et vous ne comprenez pas que ce sont les ennemis des Akab, des Miché ici. Continuons seulement ici, là. Et l'Éternel dit, qui séduira, nous sommes verset 20, pour qu'il monte à Ramoth en Galate et qu'il y perde. Il répondit, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Donc, ça veut dire qu'au ciel, ça s'est discuté. Quand ils étaient assis, il y a eu la réunion, après il y aura la délibération. Quand tu dis quoi, Michael? Moi, il propose qu'on tape sa tête là, il est trop têtu sur la terre. L'autre personne dit, le gars là, vous ne le connaissez pas bien, quand il décide ce qu'il va faire, il va se commencer, même si il dit n'importe quoi. L'autre dit, on dit l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Donc ça s'est passé, et Dieu était aussi sur le truc pour entendre ce qu'il veut. On dit, la décision. Oui, Dieu fait ces choses, frère. Ouais, vous savez, tout à l'heure, je vous l'ai dit, le cri venu à ce peuple, ce qui a venu jusqu'à moi. Les décisions sont venues, là-bas, dit que, frère, Seigneur, ce peuple s'est détruit devant la terre, il corrompt la terre. Et qu'est-ce que nous décidons qu'on fasse? Oui. Le conseil s'est réuni, mais qu'est-ce qu'on fait? Oui. Bon, on va descendre là-bas, on va aller sur le peuple pour voir vraiment de nous proposer, d'accord? Oui, oui. Toi. Les hommes s'y descendent, on descend. Et c'est descendu, alors, bah, attends. N'est-ce pas? J'avais dit qu'il ne pas faire de pourquoi sans le grand secrétaire. Par contre, Abraham, il est toujours à côté, là, allons le visiter. Il parle des choses de notre royaume. Si ce n'est pas de votre royaume, c'est votre problème. Est-ce que vous n'êtes pas ces choses de l'édition? C'est ce qui passe ici, déjà. D'accord, frère? Amen. Maintenant, continuons, verset 21. Et l'un, et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. Il dit, hein? Ces garçons sont des Michel, là. Il est sur la terre ou bien il est reçu, frère. Il lui raconte des choses qui se passent dans le ciel comme s'il vivait pas là-bas. Il y a un regard comme ça, il dit qu'il dit ce qui s'est passé au ciel. Le conseil s'est réuni. Il a entendu telle personne dire telle chose, telle personne dit telle chose, telle personne dit telle chose. Et là, finalement, un autre esprit qui est sorti. Et puis il a dit que moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit. Comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Donc, ce sont les prophètes d'Aka. L'Éternel dit, tu es trop fort, mon gars. Tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors, traite-le. Donc, ces gens avaient effectivement l'onction. C'est un esprit. C'est un esprit démoniaque. Donc, quand il passait pour qu'il passe par un esprit. Vous entendez ça, frère? Amen. Écoutez très vite. Puis dans verset 23, ce qui est fâcheux. Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit. L'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là. Ils ne cachent pas ces mots. Les voilà. C'est l'esprit de mensonge. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Donc, à l'issue de la délibération de la réunion, c'était quoi? Amen. Alors, c'est dit, c'est fils de Kenan, s'étant approché, ah, ma frappa Miché sur la genade, et dit, par où l'esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler? Il dit, est-ce que tu racontes comme bêtise là? On t'a dit dans mon école, l'esprit de la genade, et ils ont l'esprit. Il a l'esprit sur lui. C'est pour ça qu'il parlait frapper celui-ci. Parce que remarquez très bien, Miché révèle qu'un esprit est venu sur eux. Donc il recevait effectivement l'onction. Il était sous une onction. Il dit, mais l'onction qui est sortie sur moi, là, c'est venu. S'il y a des gens sur qui l'onction doit venir, c'est sur toi. Je suis le grand fondateur de cette école-ci. Si se prononce comme ça, si c'est lui, ça se prononce comme ça, ça pense qu'il est le grand des grands. Là, voilà, il dit dans le mensonge. Mais il ne savait pas.